La Corée a créé beaucoup de poèmes et de chants en signe de vénération envers le dirigeant suprême Kim Jong-un, qui continue impeccablement la cause révolutionnaire du Tse inaugurée au Baekdu. Les poèmes « Ô peuple, nous avons le commandant Kim Jong-un et notre maréchal Kim Jong-un », l'hymne révolutionnaire, hymne dédié au général Kim Jong-un, les chants « Nous lui confions et le destin et l'avenir » et « Notre dirigeant aimé du peuple », ainsi que d'autres ouvrages mis au monde dans les nouveaux 100 ans du Jeu-Tse, inspirent aux militaires et civils coréens de la fierté nationale de jouir de génération en génération du bonheur d'avoir le leader et le général.